Tu n'es pas là, je t'imagine. Tu n'es pas là, je te devine. Je vois tes yeux et ton sourire. J'entends ta voix, j'entends ton rire. Est-ce bien toi? Yeah.